Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Delbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Delbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu. La coopérative de machinerie lourde, 905 Boulevard Amel, Saint-Félicien, 418-679-4194. Vous avez besoin d'une bonne batterie pour la saison froide qui s'en vient? Eh bien, l'équipe de Batterie Expert saura bien vous conseiller. Nous avons des batteries pour tous les véhicules et pour tous les budgets. L'équipe de Batterie Expert désire également souhaiter de joyeuses fêtes à toute sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année. Batterie Expert, 757 Boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-979-7812. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Toute l'équipe de Jean Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 418-679-4775. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour nos nombreux spéciaux et les nouveautés dans les voitures d'occasion. C'est la revue de l'année de la planète foot avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saint-Étienne. Salut Benoît. Salut Dan, Radio Sport. Benoît, as-tu passé un beau Noël? Est-ce que t'as fêté pas mal? Écoute, ma fête était le 22 décembre. Ben, c'est sûr qu'on a profité, hein? Chez la famille, fait que on a fait un beau temps des fêtes. On est dedans en même temps. OK. Donc, on va y aller maintenant avec la revue de l'année dans le monde de la planète foot. Je dois vous dire, Benoît, il fait toujours... Il prépare de façon assidue sa rétrospective. C'est vraiment le fun de le voir aller. Benoît, on va y aller avec en janvier. On va y aller par ordre de mois. Janvier, John Edmund a été nommé entraîneur de l'équipe masculine. Ça, c'est l'ancien de l'équipe féminine. Oui, ben c'est ça, Danny. En même temps, comme je te dis, avant qu'on commence en onde, il y a quatre thèmes différents. L'Impact, la MLS, un peu soccer canadien, la planète foot, ce qui se passe au niveau international et au niveau du Saguenay, là, au niveau de la région, quelques points intéressants au niveau de la région. Il y a des belles annonces qui se sont faites au courant de l'année. Alors, comme tu viens de le mentionner, oui, en janvier, on annonce l'ancien entraîneur de l'équipe féminine qui s'en va au niveau masculin. Donc, c'était une annonce surprenante un peu. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner. C'est sûr qu'avec l'annonce qu'on a eue, on va en parler plus tard dans la chronique, l'annonce de la Coupe du Monde 2026. Je pense qu'on va se pogner parce qu'on s'en est parlé Je pense que le plan futur, c'est d'amener l'équipe nationale masculine à avoir un bon niveau. Donc, c'est lui qui est maintenant entraîneur. On sait qu'est-ce qu'il a fait avec l'équipe féminine. Il a une médaille de bronze aux derniers Olympiques à Londres, je crois, ou non, au Brésil. Donc, à suivre. Donc, John Herdman, un nouvel entraîneur. OK. Par la suite, grosse nouvelle, Bablu Tabla signe avec Barcelone. Écoute, on avait eu des rumeurs en 2017, Tabla qui ne semblait pas très, très heureux. On savait qu'il était courtisé par les équipes européennes. Il a signé avec l'équipe B de FC Barcelone. Puis je pense que, tu me corriges, je me trompe, mais il a connu une bonne année. Pour une première année, là, ça a été quand même intéressant pour lui. Là. Oui, puis ça va bien encore. Là. Moi, j'ai vérifié un petit peu au mois de décembre si... À un moment donné, je le voyais pas. J'avais fouillé dans le Barcelone B sur les sites internet là, du Barcelone et je le revoyais pas dans le 11 partant ou dans les joueurs sur le banc non plus. Mais là, soudainement, il est réapparu. Peut-être une blessure, mais ça va bien. Il marque des buts de temps en temps aussi. Écoute, faut rappeler que le gars il a seulement 18 ans. Il faut rappeler qu'il y a seulement 18 ans. Donc, c'est très intéressant de pouvoir suivre ce parcours-là. Et ça a donné de l'argent, d'impact aussi. Il faut rappeler ça, Danny. Je pense qu'il y a eu 20 à 25 millions, là, je pense. Je sais pas c'est quoi le montant exact qui a été donné, mais c'est très intéressant pour l'impact d'avoir envoyé un joueur. Puis c'est sûr que ces jeunes-là, quand il y a des équipes de ce niveau-là qui s'intéressent à toi, ben c'est intéressant d'aller vers ce marché-là. Est-ce que l'impact, je pense que ça fonctionnait pas nécessairement avec Biello. Et le jeune était peut-être gourmand un peu avec son entourage. Donc, à suivre la carrière de ce jeune-là, j'espère que ça va progresser au fil des années. Là. OK. Maintenant, on va parler. Est-ce que Tabla, tu vois, où est-ce qu'il va avoir la chance d'aller dans l'équipe A éventuellement? L'équipe B, c'est comme le filiale, mais est-ce qu'il y a le talent pour être dans l'équipe A avant longtemps? Danny, c'est tellement des gros marchés, ça. Le FC Barcelone, c'est tellement gros. On va chercher les meilleurs joueurs de la planète disponibles, intéressés par le projet du FC Barcelone. Là, on parle de Pogba, on parle de Pogba qui est à Manchester United, qui serait intéressé dans le futur d'aller là. On parle de Rabiot qui joue avec le Paris Saint-Germain. Fait que c'est tous des meilleurs joueurs de la planète. Donc, c'est très difficile de faire ça. Il va falloir vraiment que le jeune soit vraiment de haut niveau. Ou sinon, il y aura toujours d'autres clubs en Espagne qui sont intéressants. S'il peut jouer en Liga, ça sera déjà un coup de dé, un coup intéressant pour le jeune. Ouais. Maintenant, qu'il puisse se retrouver dans l'équipe A, je pense qu'il n'est pas rendu là. À voir dans le futur, comme je t'ai dit tout à l'heure. OK. Annonce du FC Miami en MLS en 2020. Oui, ça s'en vient. À FC Miami, on se rappelle que c'est l'équipe à Beckham. Hein? C'est Beckham qui est en arrière de tout ça un peu avec d'autres partenaires financiers, bien sûr. C'est rendu des gros marchés. La MLS a pris du galon quand même. Donc, à suivre ce nouveau dossier-là. Et puis, à voir l'équipe, quel joueur européen que Miami va apporter. On a vu un peu avec Atlanta cette année, quelle saison qu'ils ont eue. Ce n'est pas une vieille formation à MLS. C'en était à leur deuxième année. Donc, à voir. C'est de l'annonce qu'on a eue l'année passée, en janvier dernier. OK. Par la suite, ça, c'est... Toujours en janvier. En février, l'annonce du projet du centre intérieur à Ville-Saguenay avec notre collaborateur. Ben, il ne parle pas vraiment, mais vous l'entendez avec ses publicités à Dan Radio Sports et Michel Tifot. Donc, annonce, ça c'est bon pour le projet du développement de l'équipe du soccer dans la région. Oui, mais c'est ça. C'est l'annonce du projet. Au fil de l'année, le projet s'est confirmé. Alors, à voir, là, j'ai parlé à Michel, il me disait qu'ils aimeraient faire la première le pelleté de terre peut-être en 2019. Ce ne sera peut-être pas encore en 2019, mais ce projet-là, à Ville-Saguenay, va naître, enfin, pour le soccer régional, et puis, ce ne sera pas nécessairement juste un centre de soccer. On parle d'un dôme un peu comme à Alma, là, un dôme de multisport. Effectivement. Par la suite, voyage à Madrid 2018, il y a eu des ateliers techniques et une conférence pour le match du Real et Atlético Madrid. Oui, OK. Là, Dani, comme je peux voir, tu passes quelques points, c'est ça? OK. C'est pas comme choix, tu parce dis, que oui. Alors, Danny, c'est notre voyage qu'on a fait avec notre école, à Madrid, un voyage culture soccer avec 15 jeunes, un match du Real Madrid, un match de l'Atlético Madrid. Alors, on va vraiment un voyage culture foot là, au niveau de nos équipes du soccer régional, donc pour permettre à nos jeunes de développer leur passion soccer. OK. Par la suite, évidemment, le FC de Toronto qui part en finale de la Ligue des Champions contre l'équipe mexicaine, encore une fois. C'était quand même... On n'est pas loin quand même, là, la MLS de rejoindre le Mexique, les équipes du Mexique. Là. Oui, le FC de Toronto, on va se rappeler qu'il avait remporté l'année d'avant le championnat canadien, parce que pour se rendre en Ligue CONCACAF, de même, ça prend cet accès-là. Oui, ils ont perdu contre le Guadalajara, un club mexicain. On sait que dans CONCACAF, c'est souvent un club mexicain qui se retrouve à la Coupe du monde des clubs. Justement, ce club-là, mexicain, a perdu, s'est retrouvé au mois de décembre, en début décembre, à la Coupe du monde des clubs. A pas fait une grosse performance, mais quand même, quand on dit qu'on peut jouer contre le Real Madrid ou le River Plate ou un club en Amérique du Sud. Donc, oui, FC Toronto, mais on va se rappeler de leur défaite, mais au tir au but quand même, une défaite au tir au but. Donc, ça va être un beau parcours pour Toronto qui ont eu beaucoup de difficultés par la suite en MLS. On va se rappeler, Toronto avait gagné la Coupe MLS l'an passé et on n'a pas réussi à faire les séries. Donc, c'est pour nous montrer comment est-ce que le calibre est quand même relevé et le niveau est relevé en MLS aussi. Donc. Effectivement. Un tour de table, Dani, peut-être en Europe, si tu veux. En Europe, la Ligue des Champions, l'Europe, le Real Madrid, troisième titre et douzième en Ligue des Champions. Oui, une victoire de 3-1 contre Liverpool, on va se rappeler. Donc, c'est la Ligue de le Real Madrid avec Zidane et Ronaldo qui est toujours présent à ce moment-là. Donc, 3 titres de Ligue des Champions consécutifs. Et je ne sais pas quelle année que c'est arrivé là auparavant. C'est arrivé avec d'autres clubs, mais c'est pas arrivé souvent. Et surtout dans les années qu'on vit là, dans les ères de 2010 et plus. Donc, une grosse performance du Real Madrid. Et si tu veux, Danny, dans les 5 grands championnats, on peut faire un tour rapide là, des grands gagnants. En Espagne, le FC Barcelone qui remporte un 25e titre dans la Liga. Dans la Ligue italienne, le Juventus de Turin qui est un 7e titre consécutif, un 34e en Serie A. L'Angleterre, Manchester City, 5e titre avec Pep Guardiola comme entraîneur, avec un 5e titre. C'est Manchester United qui a 9-20. En Allemagne, le Bayern de Munich, 6e titre consécutif. Ouais. C'est toujours les gros canons qu'on retrouve. Hein. Ils ont de la difficulté cette année, mais un 28e titre au total. Et en France, bien le PSG, qui lui vise enfin son premier titre en Ligue des Champions. On va le voir là en mars 2019. Là, ils vont avoir un bon rendez-vous là contre le Manchester United qui a clairé son entraîneur Mourinho là, ouais, ouais, au mois de décembre. Donc, ça va être intéressant d'avoir le huitième de finale PSG, parce qu'on a gagné un 7e titre en Ligue de France. Ils dominent le championnat français avec Mbappé et Neymar, mais ce qu'on vise, c'est la Ligue des champions qu'on n'a jamais remportée là, pour le Paris Saint-Germain. Okay. Et bien entendu, Danny, au mois de mai, le départ de Zidane. Ouais, c'était la grosse nouvelle, j'étais rendu là. Ouais, c'est ça. C'est un peu une annonce rapide qu'on fait là, mais c'est le départ de ces deux gros noms là du Real Madrid. Ronaldo qui se retrouve à la Juventus. Zidane, ça a été très surprenant. Le gars, il remporte trois championnats et il part en champion, si tu veux. J'ai hâte de voir. On l'a annoncé au Manchester United. Mais on a vu là que c'est pas lui qui a été pris, c'est Hollandais qui a été pris là après Mourinho. Donc à voir la suite là pour Zidane où il se retrouvera comme entraîneur. La nouvelle de l'année pour moi, c'est l'annonce officielle du Canada à la Coupe du Monde de 2026, Canada, Mexique et USA. Ça, c'est pourquoi je dis que c'est la nouvelle de l'année. C'est sûr qu'il va y avoir juste 10 matchs au Canada, mais on va faire partie finalement de leur de la Coupe du Monde, on est comme pays autre, et ça va faire évoluer le soccer au Canada. Ça fait des années que le soccer masculin fait du surplace, donc voilà. Ben, c'est une grosse nouvelle, c'est sûr, ouais. Le soccer canadien, c'est clair. En termes d'annonce, c'est la nouvelle de l'année. Termes de performance, ben, on sait que sur la planète foot, c'est la victoire des Bleus en France, mais je veux dire, en termes d'annonce pour le futur, c'est certain que c'est une grosse nouvelle pour le Canada. Et comme tu dis, on risque d'avoir une dizaine de matchs. Est-ce qu'on parle de peut-être 2-3 matchs à Montréal? Il va falloir que le stade soit rénové. Au niveau de la surface, on pense à prendre une surface naturelle. On a des améliorations à faire au niveau de l'éclairage. Donc, il y a beaucoup de millions qui devront être investis au niveau du stade olympique pour recevoir 2, peut-être 3 matchs. Donc, c'est quand même spécial de voir tout ça. Ça vaut aussi la peine? Ben, c'est une grande question, mais peut-être que par la suite, il peut y avoir d'autres choses qui vont se greffer. Parce que tu nous as mis l'audience. Là. Tu m'as envoyé l'audience en courrier privé. Là. C'est sûr qu'on n'aura pas Italie-France. Là. Ça va être des matchs de second ordre. Puis si c'est au Stade olympique, les meilleurs matchs vont jouer à Toronto, au Canada, je pense. Ben, c'est ça, on parle d'une dizaine de matchs maintenant. Ouais. On parle de 2-3 matchs au fond. Ben, c'est sûr. En tout cas, tant mieux. Mais c'est sûr que déjà, il va avoir des gros sous d'injecter au Stade olympique pour recevoir ça. Ouais. Parce qu'on sait que Montréal est dans les villes qui restent. Là, je crois qu'il y a Edmonton, je crois. Il y a Edmonton et il y a Toronto. Il y a 3 villes encore là, susceptibles de recevoir des matchs. Ce qui est surprenant, c'est de voir Edmonton, qui est Vancouver, qui n'est pas là. Edmonton... quand même surprenant de voir ça parce qu'ils n'ont même pas d'équipe en MLS. Ils sont dans la première ligue, eux autres. C'est parce qu'il y a une ligue canadienne qui décolle bientôt. Là. Ouais. Oui, puis, c'est ça. Voyons ça, pas. Ils ont pas... Dans l'édition de 2019, on va s'en faire un podcast samedi, je te le dis tout de suite, là, parce qu'on n'aura pas le temps de parler du 2019. Benoît, si tu permets, après ça, il y avait également, avant d'aller à la pause, tu nous parlais de ton voyage que tu avais fait avec l'équipe, les jeunes d'Alma. Moi, je me rappelle, en fait, d'en trouver avec les filles, ça avait été très, très enrichissant, là. Oui, c'était au mois d'avril dernier. Ouais. C'est un petit peu avant les champions de chaque titre. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Un voyage culture soccer, comme je t'ai dit. Maintenant, la chronique qu'on a faite, je me souviens, dans la chambre à Madrid avec les jeunes filles du voyage qui avaient fait un super voyage. Mais si on suit notre parcours de 2018, on est rendu maintenant un peu en juin à la Coupe du monde de soccer, la 21e Coupe du monde. Moi, à Sport Soccer, j'avais changé d'endroit. J'étais rendu dans un autre endroit. J'ai des œufs à moi. Donc, on a présenté tous les matchs de la Coupe du monde à ce moment-là. Et pendant ce temps-là, moi, en début juillet, j'ai parti vers la Russie pour assister à 4 matchs, dont la finale. C'est ce que je t'ai envoyé, le lien que je t'ai envoyé, c'est l'audience pendant le match de finale. On parle de 1,3 milliard pour voir la victoire des Bleus en finale contre la Croatie, une victoire de 4-2. Tout qu'un moment pour moi au niveau du soccer, là, en tant que passionné de soccer, j'ai vraiment vécu un beau moment. Benoît Superman, on va aller à la pause. Vous êtes à l'écoute de la rétrospective du soccer avec Benoît Lavoie d'Espace Soccer. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désire remercier sa distinguée clientèle et profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Missisni, au numéro de téléphone 88-276-93-83. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Ici Pascal Cloutier, maire de la ville de Dolbeau-Mistassini. À l'occasion du temps des fêtes, je souhaite vous offrir, en mon nom et en celui des membres du conseil municipal, des vœux de bonheur. Que cette période soit pour vous et vos proches un moment de réjouissance et de ressourcement. À toutes les Dolmissoises et tous les Dolmissois, un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2019. La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. En ce moment de... On est de retour à danradiosport.com avec la rétrospective du soccer en 2018. Benoît, si tu permets, on va commencer avec la grande finale du soccer où les Français, où par les années passées, les Français, c'est leur défaut, c'est qu'il n'y avait pas de chimie. Puis cette année, Didier Deschamps avait fait en sorte que l'équipe était très, très bien rodée et ils ont répondu aux attentes. Oui, mais c'est en mode compétition comme ça, c'est un tournoi. Ils ont été critiqués un peu pendant la Coupe. On va se rappeler du match de demi-finale contre la Belgique, alors qu'on a dit que les Français n'avaient pas joué suffisamment. Mais Deschamps a trouvé une formule, une stratégie pour... il dit, moi, ce que je veux, c'est remporter le match. On n'est pas en mode faire le beau jeu, puis ensuite échapper le match. Donc oui, ils ont battu la Belgique 1-0. Ils n'ont pas eu nécessairement le temps de possession de jeu qu'on espérait. Mais il faut quand même dire que l'équipe de France a tellement de bons éléments que normalement, c'est l'équipe qui devrait dominer le jeu. Mais c'est pas toujours ça qui se passe. Et quand on est arrivé en finale, ils ont vraiment joué un bon match. Quoique les Croates ont joué un bon match aussi. Alors que c'était 1-1, il y a eu un pénalité accordée à Griezmann. Et c'est là que le match a changé de côté. Et le jeune joueur du tournoi, Mbappé, qui est maintenant rendu dans le gros nom de la planète soccer un peu international après Ronaldo et Messi, bien entendu, ou Messi-Ronaldo qui qu'on veut mettre en premier là. Mais c'était une super coupe du monde. On va se rappeler quand même aussi de la défaite, un des gros matchs pour moi de la coupe, ça a été la 8e de finale entre l'Argentine et la France, une victoire de 4-3, tout qu'un match, et c'était l'élimination de Lionel Messi, qui je suis pas certain qu'on va le revoir dans une prochaine coupe du monde. Un des grands noms de la planète foot international de toute l'histoire du soccer. Il sera peut-être pas en haut de Pelé et même des noms comme Maradona, c'est des gars qui ont gagné des Coupes du Monde, mais c'est ce qui manque à son palmarès, comme Cristiano Ronaldo, lui aussi, mais il a gagné au moins une Euro il y a 2 ans. Effectivement. PSG, là, je suis rendu, t'as pas mal... Moi, j'avais deux petits points à te parler. Ouais, deux petits points régionales. Deux équipes régionales qui ont fait les manchettes au cours de l'été 2018. On parle du Chinook U17-3 qui a participé à une première au niveau de la région dans la Ligue la Ligue du Coupe du Gros, au niveau québécois, de catégorie 3A. Ça a été difficile pour la saison. C'est un projet qui a commencé au mois de mars et ça a terminé au mois de fin septembre, début octobre. Okay. Donc, l'équipe a quand même été en avant-dernière position. On a parlé peut-être de continuer le projet l'an prochain, mais je suis pas certain. Donc, je tenais à mentionner cette équipe-là. Hein. Donc, oui, ça prend de l'argent, puis c'est tous les fins de semaine. Alors, c'est quand même assez long. Chez nous, le Chicoutimi, on a une belle performance quand même. Et l'autre équipe que je veux te parler, c'est l'équipe féminine du Boréal d'Allemagne en U16 féminin, qui a remporté dans le Québec Métro, qui est quand même très relevé. Ils ont remporté la première position au championnat. Ils ont remporté des séries aussi. Et ils ont perdu en finale à l'ancienne Coupe Saputo à la Coupe des champions à Montréal, tenue en octobre dernier. Donc, je tenais à féliciter l'équipe de filles. Donc, on avait 3-4 filles qui sont venues à Madrid avec nous pendant notre voyage en Espagne. Donc, je tenais à mentionner ces deux équipes-là. Impact qui perd en demi-finale au championnat canadien contre Vancouver. Quand même serré, mais ouais, on avait gagné le match aller 1-0, Danny, et on a perdu le match 2-1. C'était serré, là. On a échappé le match en fin de match contre Vancouver, mais Vancouver, après ça, a perdu contre le FC Toronto. Donc, c'est encore Toronto qui va représenter le Canada à la CONCACAF, la Ligue des champions CONCACAF, qui va commencer là en mars 2019. Et je voulais mentionner les deux gros noms qui sont venus à Montréal cette année. Zlatan Ibrahimovic, on va se rappeler de son match à Montréal, ça n'a même pas duré 30 minutes, je crois. Il a reçu un carton rouge, très ordinaire. Et on a eu la visite de Wayne Rooney, qui a eu une belle saison aussi avec son équipe, avec le DC United. Écoute, donc, je me rappelle, le DC United, avant l'arrivée de Rooney, c'était catastrophique, puis on remonte à ça. Hein? Oui, moi je pensais que Danny, j'avais participé à un sondage pour les favoris dans la Coupe MLS. Et à cause de ce que tu viens de dire, j'avais mis DC United favori parce que ça allait super bien. Mais ils se sont fait battre dès le premier match, donc ils ont été éliminés. D'ailleurs, la Coupe MLS va avoir des changements pour 2019. Oui, raccourcir la saison et peut-être plus de matchs dans la semaine au courant de l'année. Heureusement, puis c'est bien correct de même. On va y aller maintenant avec, je suis rendu, donc le FC Toronto qui gagne la coupe, ça c'est la coupe des voyageurs, c'est ça le titre exactement. Oui, championnat canadien, remporté par contre Vancouver, comme on a dit, donc comme je te disais, c'est eux qui vont représenter le Canada à la Coupe des clubs CONCACAF. Je voulais te dire qu'il y avait une nouvelle coupe qui avait été mise en Europe, peut-être une question dessous. La Coupe des Nations, assez un petit peu bizarre à suivre, mais quand même, la France n'a pas réussi à se classer. C'est pas évident là, pour une équipe comme la France ou la Croatie qui ont connu de grands moments de la Coupe du Monde. On leur demande encore de revenir et de performer. Alors, c'est justement que moi, je trouve ça bizarre, cette coupe-là, un petit peu. Mais ça a donné droit à de beaux matchs quand même pendant l'automne. Mais c'est pas nécessairement. Il y a un petit lien avec la qualification de l'Euro 2020, ça a quelques liens là. Effectivement. On va y aller maintenant avec l'Impact éliminé des séries à coup de 4 points de place en série. C'est ça? Oui, alors qu'on s'attendait à une saison misérable au niveau de l'Impact, avec Rémi Garde a réussi quand même avec son équipe de staff à remonter le bateau et a réussi quand même à. Jusqu'à la fin, là, dans les deux derniers matchs, là, quand même une deuxième année de suite que l'Impact participait pas aux séries, mais éliminé à 4 points d'une place en série. Donc, on vise une place en Coupe MLS la prochaine saison. Donc, l'avenir est quand même intéressant à voir. Et on voit déjà depuis le mois de décembre, on a vu des annonces là, de nouveaux joueurs, un nouvel Argentin. Il y a plein de mouvements qui se fait déjà. On parle de l'Impact un peu. On veut montrer que même pendant la saison morte, on va parler d'eux. Mais comme je te dis, il va y avoir des changements en MLS. Donc, à suivre la suite de ça, et on va espérer une belle saison de l'Impact. OK. On va y aller maintenant avec, du côté de la Coupe MLS, FC Atlanta qui était champion contre Portland dans un match où il y avait 75 000 personnes à peu près. Oui, une victoire de 2-0 d'Atlanta. On va se rappeler les deux très bons joueurs du FC Atlanta. Martinez qui a battu un record de buts. L'entraîneur Tata Martino qui a déjà entraîné le FC Barcelone. Donc, une belle victoire d'Atlanta. Et je crois que le soccer aux États-Unis se développe de plus en plus au niveau de la MLS. Et je me souviens très bien, en même temps que tu parles de ça, on va se rappeler de l'annonce de Marc Dos Santos aussi, comme entraîneur-chef des Whitecaps de Vancouver. Donc, c'est pas n'importe quoi. on y a parlé avec lui. Donc, c'est un beau défi qui l'attend à Marc Dos Santos, parce que tu te rappelles qu'en janvier, j'avais mentionné qu'il avait été aussi entraîneur adjoint avec la nouvelle équipe du FC Los Angeles. C'est un Québécois, tu sais, c'est un gars qui est venu à l'Espoir Soccer Alma quand même. Il va s'en rappeler. On en a parlé dans la chronique. Ouais. Et puis, je te dirais, comme tu disais, tu avais eu plus de facilité à avoir un gars comme ça qu'au niveau de l'Impact de Montréal. Donc, à suivre la carrière de la saison du FC, du Whitecaps de Vancouver. Une belle annonce pour un Québécois de souche, là, originaire du Portugal. Effectivement. Donc, on va y aller, on va continuer avec ta revue de l'année. Au mois de décembre. Oui, mois de décembre, c'est la Coupe du monde des clubs. La Coupe du monde des clubs, mais juste un petit peu avant, Danny, je t'ai mentionné que... Oui, le tirage au sort de la France, c'est ça, France 2019, où le Canada a été avantagé lors de ce tirage-là. Dans le groupe E, le Canada se retrouvera contre le Cameroun, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas. Donc, à suivre l'équipe canadienne qui a quand même eu des beaux parcours de Coupe du monde, a eu des meilleurs parcours dans les tournois olympiques, par contre. Donc, à suivre l'équipe canadienne et encore Christine Sinclair. Je pense qu'il n'y a pas de Québécois. Il n'y a pas de Québécoise dans l'équipe. Il n'y avait pas de Québécois dans les derniers matchs. Mais là, il va y avoir des annonces. Les listes officielles vont sortir pour la Coupe du monde. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes Québécoises qui vont se tailler une place au sein des 23 joueuses, des 23 ou 24 joueuses? Donc, à voir là pendant l'hiver 2019. Et comme tu disais, la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid qui remporte un 7e titre contre un club d'Émirats arabes. La surprise de ce tournoi-là, ça a été le club d'Émirats arabes, parce que le tournoi était chez eux. On avait une équipe haute qui était là. Ils ont battu l'équipe de River Plate en demi-finale. Ça a été la grande surprise. Donc, c'est le Real Madrid qui remporte un 7e titre. Et je voulais te parler aussi du Ballon d'Or 2018, si tu veux. Ballon d'Or 2018. Luka Modric en première position. On sait que c'est remis par... je crois que 180 journalistes du monde entier, dont le journaliste canadien Neil Davidson, qui je lui ai envoyé un message. Il n'y a même pas mis aucun Français dans son top 3. Un petit peu surprenant, là. Ça nous démontre, c'est un drôle de vote, là, d'abord. Puis lui, il a mis Cristiano Ronaldo premier. Alors, Modric a remporté, suivi de Ronaldo, Griezmann troisième et Mbappé le jeune quatrième. On a décerné un nouveau trophée, le trophée Copa, à Mbappé, le jeune français, et la meilleure femme au niveau mondial, Ada Hegerberg, norvégienne. Donc, le tour du Ballon d'Or de France 2018. Effectivement. Donc, ça fait pas mal le tour, Benoît, si tu permets. Très, très, très détaillé. C'est sûr qu'on a passé des bouts. Par contre, écoute, je voulais pas passer la journée à parler de soccer. On va s'en reprendre samedi pour parler de ce qui s'attend en 2019, si tu permets. D'accord, écoute, ben parfait. OK, Benoît Lavoie d'Espace Soccer, la référence soccer au 5x5.